indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oki kwanza, tcha tcha, tobakini. O table ronde, tcha tcha, bagagne o. Oni panda, tcha tcha, tozumiye. Indépendance, tcha tcha, tozumiye. Oki kwanza, tcha tcha, tobakini. O table ronde, tcha tcha, bagagne o. Indépendance, tcha tcha.